Les châteaux de Ribeaupierre, par Joseph Méry. On ne sait que faire du beau temps à Paris, et aucune ville du monde ne vous offre autant de compensations agréables pour supporter les températures ennuyeuses et nous faire croire que le lustre du salon est le frère aîné du soleil du ciel. Or, en dînant au célèbre hôtel de Diemer, j'entendis parler avec enthousiasme des ruines de Ribeauvillé, et pour éviter l'inutile beau temps de Paris, je me mis en wagon pour visiter l'Alsace-Rhénane, cette belle Allemagne française, la plus riche province que la conquête ait mise sous notre drapeau. À la station de Ribeauvillé, je m'arrêtai pour voir ces fameuses ruines que les Alsaciens vantent à l'égal de Heidelberg. La France est un pays peu connu, et si les Anglais ne le découvrent pas et ne burinent pas ces merveilles, comme ils ont fait pour le Bengale, la Chine et Java, nous ne connaîtrons jamais tout ce que notre pays renferme d'admirable, comme paysage et vénérable monument. Pour moi, j'avoue humblement mon ignorance. Je connais la plus obscure des pierres antiques de Rome et la plus petite tour fêlée de l'Allemagne, et je n'avais jamais entendu parler des châteaux de Ribeaupierre et du Haut-Königsbourg. Ribeauvillé est une modeste ville destinée à grandir, si un tronçon de fer vient la toucher au pied de ses belles montagnes et la relie au chemin de fer de Colmar. Cette localité délicieuse possède tout, excepté la vie. Elle a des vignobles supérieurs en qualité à leurs voisins du grand fleuve. Le Johannisberg même ne vaut pas le vin de Ribeaupierre. Elle a des promenades superbes, des prairies grasses, des jardins riches en fruits exquis, des eaux vives, des sources thermales, des torrents canalisables, des vallons merveilleux, des forêts superbes, de grandes usines entretenues par de larges ruisseaux, et pour tout dire, elle est, m'a-t-on affirmé, très bien administrée par son maire, M. Salzmann, ce qui assure l'avenir de Ribeauvillé tout ce que promet le présent. À la station de l'omnibus du chemin de fer, on me donna un guide, car un guide est nécessaire pour montrer le chemin des ruines. Ordinairement, je refuse toujours de soumettre mon indépendance à ces tyrans d'itinéraire. J'aime mieux courir la chance de m'égarer. On se retrouve toujours quand on a le soleil pour étoile polaire. À l'âge des illusions classiques, je m'égarais dans la campagne de Rome en cherchant le tombeau de ces trois Horace qui n'ont jamais existé qu'en tragédie, et je n'ai jamais été plus heureux qu'en ce beau jour. Je découvris plusieurs choses curieuses dont l'histoire fabuleuse et la fable historique ne parlent pas. Mais à Ribeauvillé, le guide étant jusqu'à ce jour une sinécure, faute de voyageurs, je crus devoir faire une exception à mes habitudes pour encourager un jeune débutant dans ses fonctions honorifiques. Nous nous mîmes en marche, après mon premier monstrabi obséquaire, et nous nous dirigeâmes vers cette échelle de Jacob qui monte presque perpendiculairement aux trois châteaux. Chemin faisant, mon guide me montra la boutique du boulanger Paris, qui est aussi un pâtissier de génie. Notre capitale appelle en vain cet artiste du four. Rien ne peut l'arracher à son beau pays, pas même la fortune. Il se contente de concourir au prix de pâtisserie avec ses confrères de Strasbourg, et il est toujours proclamé vainqueur. On laisse à droite de la rampe le vieux palais du roi de Bavière, aujourd'hui pensionnaire de demoiselles. On traverse de beaux vignobles suspendus en amphithéâtre, dans la plus heureuse des expositions. Insensiblement, le sentier des chèvres devient plus abrupt et passe à l'état sauvage. Les chênes nains et les châtaigniers remplacent les vignes. D'énormes roches de basalte surgissent de tous côtés et se suspendent aux lèvres des précipices comme des géants au désespoir. On grimpe après avoir marché, on escalade après avoir grimpé. À chaque pas, on cherche l'équilibre comme un funambule novice. Le guide offre son bras comme point d'appui et rit sous cap de la gaucherie pédestre des hommes civilisés. Enfin, on arrive à la racine du pic prodigieux, éternel pédestal du premier des trois châteaux. Ici, une pause est nécessaire. On la consacre à maudire ces endiablés seigneurs du Moyen-Âge qui se perchaient dans les nues, pour piller la plaine et remonter impunément avec leurs butins, comme leur modèle les vautours. Notre globe, dans ses éruptions volcaniques ou ses soulèvements convulsifs, a travaillé pour ces messieurs des XIIe et XIIIe siècles. Si la terre fut restée unie comme une glace, il n'y avait pas de féodalité. Le fabuliste La Fontaine a écrit ce vers « Rien ne peut arrêter cet animal grimpant ». Il voulait parler de l'homme en s'adressant à la chèvre. J'ai toujours pris ce vers pour une épigramme personnelle. surtout en faisant l'ascension du premier château de Ribeaupierre, ascension qui arrête les chèvres. Mais au sommet de ce mât de cocagne, le joyau gagné est splendide et fait oublier l'escalade. Le mot de Chateaubriand revient à la mémoire, une création infinie devant les yeux, un abîme sous les pieds. On découvre l'Alsace, avec ses plaines, ses montagnes, ses forêts, les plus belles de toutes les richesses de l'homme. On voit serpenter à l'horizon la ligne lumineuse du Rhin et les gracieuses frontières du duché de Bade. Tout un monde de vie et de lumière, où l'Allemagne et la France confondent leur magnificence et leurs trésors. Ce premier château n'est qu'un belvédère de granit, orné d'un mur croulant. La ruine est en ruine. Le second mérite vraiment une place d'honneur après Heidelberg. L'accès est d'une difficulté presque insurmontable, et parvenu au sommet, il me fut impossible de retenir une exclamation offensante contre la mémoire des seigneurs de Ribeaupierre, branche éteinte heureusement. Alors mon guide me dit, avec un admirable sang-froid germanique, « Mais monsieur, il y a un autre chemin, là, de l'autre côté, un chemin très doux, et les voitures même peuvent y passer. »« Bon, m'écriai-je, et c'est maintenant que vous me parlez de ce chemin ? Quand j'ai semé les lambeaux de mes souliers sur les échelons de cette montagne, vous n'êtes pas un guide, vous êtes un égareur. »« Voyez comme c'est beau !» me dit-il avec orgueil. « Mais ce serait encore plus beau, repris-je, si j'étais arrivé en voiture par l'autre chemin. » Au reste, ce guide était dans son droit. Je le reconnus plus tard. Être ou ne pas être, voilà sa question. Le jour où le voyageur saura qu'on arrive aux trois châteaux avec un cocher, il n'y aura plus de guide, le métier sera perdu. Ce second château appartient au grand style de l'art byzantin rhénan. Il m'a rappelé Münzenberg, cette mer baie si peu connue de la Hesse électorale. Ses ruines sont superbes et parfaitement dessinées par le travail de deux siècles. La salle des chevaliers n'a conservé qu'une bordure de fenêtres ogivales. Le lierre couvre des amas informes qui furent les bastions, les courtines, les créneaux. Une belle tour, très bien conservée, est encore debout. Elle remplace, comme partout, la signature du conquérant destructeur. Quant au troisième château, je ne l'ai vu que de loin et je le ferai photographier l'an prochain. J'en avais assez de deux à ma première ascension. Quelques mots d'histoire maintenant. Au 8e siècle, un gentilhomme nommé Rapoltus, souche des Ribeaupierre, fonda Ribeauvillers et bâtit le premier château. Au 13e siècle, le village ayant pris les proportions d'une ville, les seigneurs bâtirent les deux autres châteaux. Pendant de longues guerres entretenues avec les voisins, ces trois manoirs ont été souvent pris, repris, saccagés, rebâtis. La guerre de 30 ans leur porta les derniers coups, avec la terrible main de Gustave Adolphe, le ravageur du Rhin. À la fin du 16e siècle, on ne voyait déjà plus que des ruines sur les hauteurs historiques de Ribeauvillers. Voici ce que la légende ajoutait. Deux frères Ribeaupierre habitaient les deux châteaux les plus rapprochés. Ils étaient passionnés pour la chasse, et l'aîné de ces Némrodes allemands avait l'habitude de réveiller le cadet en décochant une flèche sous la fenêtre de sa chambre. Un matin, le frère dormeur et paresseux se réveilla sans flèche, et voyant le grand jour, il se leva et ouvrit la fenêtre pour voir ce qui se passait sur la plateforme du château voisin. Le bon frère aîné choisit ce moment pour lancer sa flèche, que l'autre reçut en pleine poitrine, et il s'endormit dans l'éternité. Ayant examiné le terrain avec beaucoup d'attention, je dois dire, la main sur la conscience, comme un chef de jury, que ce cas à Ribeaupierre a été calomnié. Dans tous les vieux mensonges historiques, il y a ou une flèche ou une pomme. La distance qui sépare les deux châteaux absout l'accusé. Postscriptum. Cet article était imprimé lorsqu'un industriel de Ribeauvillers m'a appris, en Allemagne, qu'un chemin nouveau et d'un abord facile a été ouvert sur la montagne grâce aux soins intelligents du maire. Ainsi, la rue d'Ascension est devenue une charmante promenade. C'était « Les châteaux de Ribeaupierre » par Joseph Méry.